Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et de la forêt. CLML sait ce que représente la forêt. CLML possède des chargeuses sur roues en plus d'une dizaine d'employés. CLML œuvre dans les séries du secteur de Mistassini et Saint-Félicien. Les bureaux de CLML sont au 905 boulevard Amel, Saint-Félicien. 418-679-4194. La Coupe Memorial s'amorce ce soir à Halifax et pour en parler, ben, on parle avec Michel Dugas qui est notre collaborateur de la Ligue de hockey junior du Québec. Salut Michel. Salut Danny. Michel, évidemment, c'est la Coupe Memorial, c'est le dernier stretch. C'est vraiment, on dit souvent que c'est le tournoi le plus difficile à gagner. Ben oui, c'est le cliché, mais en même temps, c'est vrai. Parce que quand on y pense, chaque équipe dans chaque ligue passe à travers 4 séries, 4 de 7. Pour devenir champion de sa propre ligue. Et ensuite, on est une semaine et demie dans un tournoi à la ronde où est-ce qu'on doit affronter d'autres champions et par la suite en sortir victorieux. Donc oui, effectivement, c'est encore plus dur à remporter que la Coupe Stanley. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je veux dire, t'as pas le droit à l'erreur, là. Non, ben c'est en bon français, on dirait un one-shot deal parce que... c'est pas une série 4 de 7, là. C'est vraiment une série. Tu perds un match, ça peut avoir des conséquences importantes. Là. Si ton équipe se présente pas un soir donné, ça peut être élimination le lendemain, là, dépendant des forces en présence. Là. Donc, faut que ton équipe soit bien préparée, soit prête, soit en santé surtout. OK. Donc, ce soir, ça commence avec... il y a 4 équipes. Deux équipes de représentants de la Ligue junior du Québec, étant donné que il y a des équipes qui s'en vont, tu sais, la Ligue junior du Québec et autres. Donc, les Moussets d'Halifax et également les champions de la Coupe du Président, les Huskies de Rouyn-Noranda. Et dans l'Ouest, c'est les Storm de Guelph. Dans l'Ontario, pardon, Storm de Guelph. Et dans l'Ouest, les Raiders du Prince Albert. Où tu vois les Huskies de Rouyn-Noranda? Les Huskies de Rouyn-Noranda sont sûrement favoris? Je pense que oui. Ils ont terminé numéro 1 au Canada. Écoute, une saison comme ils ont connu cette année, on en a rarement vu. Si je ne me trompe, ils ont perdu, je pense, seulement 13 matchs sur 75 ou quelque chose comme ça. C'est puis incluant 4 en série. Écoute, c'est vraiment une équipe là, qui a connu une saison incroyable. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup de faiblesses, qui a énormément de profondeur. Donc, et il faut dire aussi, quand on regarde les autres équipes, prenons par exemple le Storm de Guelph. Bon, tout le monde fait grand état de Nick Suzuki, le prospect du Canadien. Mais personne n'y voyait là, le Storm, là, au niveau des experts. Là. Les gens s'attendaient à voir sortir les 67 de... Et le chef André Tourigny. Les gens de Rouyn-Noranda le souhaitaient de façon... inconsciente, parce qu'André Tourigny était, il faut le dire, le grand architecte là, de la dynastie des Huskies actuellement. OK. Évidemment, il va falloir surveiller du côté de l'espoir du Canadien, Nick Suzuki, qui a connu des séries qui sont 42 points en 24 matchs. Ça, j'ai l'impression qu'il va être les partisans du Canadien vont l'avoir à l'œil de très, très près. Ben, je pense que les partisans du Canadien vont vouloir les pieds, comme tu dis si bien. Mais en même temps, tu sais, c'est un... Et c'est lui là qui a été la bougie d'allumage pour le Storm. C'est lui qui a pratiquement éliminé les 67 d'Ottawa lui seul. Là, avec C'est un... En bon québécois, on dit un money player. Là. Quand ça compte, là, il se lève debout. Et ça fait longtemps qu'on cherche un gars comme ça là, du côté du Canadien. On dit que... J'écoutais André Tourigny cette semaine au 98.5. On disait que... Non, c'était au 91.9, pas au 98.5, mais au 91.9 que j'écoutais ça. C'est un gars qui fait tout bien. Hein. C'est pas nécessairement le meilleur dans tout, mais tout ce qu'il fait, il n'y a pas de faiblesse. C'est ce que... tu parles de Nick Suzuki? Oui, effectivement. C'est un gars... C'est pas le gars qui a le meilleur lancer, mais il a un bon lancer. C'est pas le gars qui a les meilleures mains, mais il a de très bonnes mains. Concerte sa défensive. Donc, c'est vraiment un joueur très complet. Là. Il y en a des joueurs comme ça là, que tu... ça va faire un joueur étoile dans la Ligue nationale. Tu sais, t'as des Sidney Crosby, mais t'as des Brendan Shanahan aussi. Oui, effectivement. Du côté des Moussets d'Halifax, on aura là Raphaël Lavoie qui a vraiment... qui est en feu, qui est le meilleur franc-tireur des séries éliminatoires. Il risque d'être disponible au moment où le Canadien va parler au 15e rang. Lui, c'est un attaquant format géant. 6 pieds 4, je pense, quelque chose de 200 lits, quelque chose comme ça. Oui, il faut le dire aussi, là, la Coupe Memorial, on parle d'un championnat difficile à gagner, mais c'est aussi une belle vitrine là, ouais. pour des joueurs qui sont à leur année de repêchage ou des joueurs sur qui on a levé lors des repêchages précédents, mais qui ont la chance là, de se refaire une beauté, de se refaire une virginité, là, si je peux me permettre l'expression. Donc, un gars comme Raphaël Lavoie, oui, va être quelque chose à voir pour le Canadien. Il risque d'être justement dans le top 15 là, quand va venir le temps de parler là, au niveau du repêchage. Mais sauf que Raphaël aura à livrer la marchandise. Oui, il a été très bon au cours des séries, mais il faut maintenant qu'il démontre la prochaine étape, c'est-à-dire être capable de faire gagner son équipe. Oui, c'est ça qui est important aussi. Et dans l'Ouest, c'est Prince Albert qui a gagné en 7 matchs contre les Giants de Vancouver. Et je lisais les rapports de ce qu'on disait, c'est une équipe qui, semble-t-il, très, très bien équilibrée. Ben, eux aussi, ils ont connu une excellente saison, les Raiders de Prince Albert. Là, les séries ne leur ont pas nécessairement rendu justice. Ils sont tombés sur des Giants de Vancouver très tenaces, là, mais... Du côté des Raiders, là, on a talonné les Huskies pas mal toute la saison, là, à savoir qui allait être numéro un au pays. Ouais. À un moment donné, ça s'est changé la place entre numéro un et numéro deux. Les Raiders ont connu aussi une très bonne saison. Peut-être une petite baisse de régime là, en fin de calendrier, mais qu'ils aient gagné le championnat de la Ligue de l'Ouest, c'est pas surprenant. Qu'ils aient gagné en 7, oui. Ils ont eu plus de difficultés, je pense, qu'ils ne l'attendaient. Mais ça peut être salutaire pour eux. Là. Ça peut être un bon test de caractère, là, surtout qu'ils vont affronter des équipes, justement, dont le caractère va être important. Oui, effectivement. Michel, on s'en parle vendredi prochain? Oui, on aura sûrement une bonne idée là, de ce qui se passe. Là. On aura un bon portrait là, de ce qui va se passer en fin de semaine pour les finales de la Coupe Memorial. Michel Dugal, notre spécialiste de la Ligue de hockey, Jean-Major du Québec.